Géraldine Mosta-Savoie, dans votre carnet de philosophie, vous avez donc regardé les Jeux Olympiques hier midi. Alors, comme beaucoup de monde en France, je n'ai pas pensé à l'échange entre Gérard Darmon et Edoui Plenel, ni réfléchi donc à l'avenir du journalisme, puisqu'apparemment c'était ça l'enjeu de leur échange. Je n'ai donc pas fait ça, mais j'ai bien regardé les JO, la finale de l'épreuve de ski de bosse, soutenant de tout mon cœur Perrine Lafont, dite Pépette. Et comme beaucoup de monde en France, j'ai assisté à son échec à la quatrième place, soit au pied du podium, sans avoir accompli l'exploit du doublé, ni de la médaille, et qui revient donc bredouille, etc., etc., etc. On ne mesure pas le nombre de pincettes qui n'ont pas été prises pour dire cet échec sportif. Pas qu'on se soit acharné, mais c'est à se demander ce qui est le plus dur dans ce genre de moment, échouer ou s'entendre dire qu'on a échoué, ou encore expliquer instantanément et face caméra les raisons de son échec. Vous avez donc regardé l'interview de Perrine Lafont au moment des résultats. Enfin, juste après l'arrivée de la dernière finaliste, bien sûr, qui l'a donc fait chuter à la quatrième place. On vous sent déçu. Il en faut bien des quatrièmes. C'était pas le bon jour. Vous voulez en ajouter une? Non, pas du tout. Je suis d'accord. Il en faut bien des quatrièmes. Il en faut bien des quatrièmes. Si la rhétorique de la victoire est assez banale, il en est de même pour l'échec. Et on est loin de la philosophie qui fait des erreurs et des errances, des moments nécessaires pour atteindre le but de notre existence. Même les bévues de la vie ont leur sens et leur valeur. Et pour un temps, les chemins détournés, les voies sans issue, les hésitations, les modesties, le sérieux gaspillé à des tâches qui se situent au-delà de la tâche. Tel est le regard jeté par Nietzsche sur ses échecs, y voyant rétrospectivement, et le mot est important, ce qui a construit en profondeur et de manière cachée ce qui allait être le sens de sa vie. Pour information, c'est dans Ecce Homo, paragraphe 9, pourquoi je suis si sagace. Mais c'est donc une chose de vivre un échec sur le moment et c'en est une autre de la considérer après coup. De la même manière, c'est une chose de le considérer, cet échec pris dans un ensemble d'événements, et de devoir l'analyser pour lui-même, avec clarté et frontalement. Autrement dit, d'être sagace, comme ça, en un clin d'œil. Mais c'est pourtant ce paradoxe qui est désormais requis en matière d'échec. Qu'on soit capable de le vivre à la fois avec larmes et mental, avec émotion et réflexion, ne sacrifiant ni l'une ni l'autre, qu'on puisse expliquer ce qui n'a pas eu lieu. Mais c'est surtout ce que l'on attend des personnalités exposées, médiatiques, pas de vous par exemple. Alors j'imagine, c'est vrai Guillaume, peut-être qu'on n'attend pas du tout ça de moi. Je ne sais pas ce que... C'est moi qui vous l'ai écrit. C'est ça, je vous ai posé des questions. Quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de vous-même? On en parlera une autre fois. Donc en tout cas, j'imagine quand même que c'est une tendance de devoir s'expliquer sur ces échecs qu'on retrouve au-delà de l'espace public. Cette idée donc qu'il y a une nécessité de l'échec au-delà des circonstances ou des accidents. C'était pas le bon jour, les autres ont été meilleurs, etc. etc. Ce qui d'une certaine manière permet, c'est vrai, de dédramatiser l'échec, de ne pas s'enfoncer dedans, de le démocratiser aussi. Tout le monde a bien droit à l'erreur et d'ailleurs tout le monde en fait, mais c'est aussi une manière d'extrapoler l'échec, y voyant la source, la cause de toute une suite d'événements qui, eux, on l'espère, seront plus heureux. Une manière aussi du coup de le valoriser cet échec, y voyant une esthétique de la douleur. Heureusement pour nous, Perrine Lafont a pleuré et on a vu les images tourner en boucle. Et tel est bien le problème de ces théories actuelles, développement personnel, philosophie aussi, chanson française. Même nos échecs devraient être réussis, on devrait au moins pouvoir en faire des analyses, les insérer dans un réseau explicatif, en tirer des leçons, en faire des moments et même y voir un regard jeté sur la société. Mais si Guillaume, je ratais mes échecs, eh bien oui, pourquoi pas? Et si je ratais mes échecs? Car oui, à quand l'échec confus, flou, sans larmes, sans réflexion? À quand l'échec de l'échec?